Alors, vous savez désormais faire des comparaisons, plus grand que, moins cher que, etc. Mais il vous reste à savoir dire le plus grand, le moins cher, et ainsi de suite, donc à employer les superlatifs anglais. Alors, pensez au livre Guinness des records. Le plus grand, le plus cher, le plus rapide, le plus haut, etc. Alors, voyons. Quelle est la montagne la plus haute du monde ? Se traduit « Which is the highest mountain in the world ?» Alors, retenez bien ce son « host »,« highest ». Alors, il y a un certain nombre de mots nouveaux dans cette phrase. « Which », W-H-I-C-H, correspond à « quel ». Et « o » se dit « high », H-I-G-H, « high ». Et donc ici, pour dire « le plus haut, la plus haute », on dira « the highest », c'est-à-dire qu'il suffit d'ajouter « est ». « Du monde » est ici traduit par « in the world ». « World » qui s'écrit W-O-R-L-D. Alors ça signifie littéralement « dans le monde ». Alors reprenons la phrase en entier. « Quelle est la montagne la plus haute du monde ?» qui en anglais se dira donc « Which is the highest mountain in the world ?»« Which is the highest mountain in the world ?» Is it Kilimanjaro or Everest? Et ici, notez qu'on n'emploie pas the devant ces noms de montagne. Alors, je vous laisse donner la réponse en anglais. La montagne la plus haute du monde est l'Everest. The highest mountain in the world is Everest. The highest mountain in the world is Everest. On peut aussi dire Mount Everest. Et quelle est la rivière la plus longue du monde? Est-ce que vous pouvez poser cette question en anglais? Which is the longest river in the world? Which is the longest river in the world? Is it the Nile or the Mississippi? C'est bien sûr le Nil. Alors, comment répondrez-vous? Le Nil est la rivière la plus longue du monde. The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. Bien. Au passage, ça nous permet de revoir un peu notre géographie. Et maintenant, si je vous dis qu'on emploie le même mot qu'en français pour dire animal, mais prononcé animal. Alors comment direz-vous, c'est l'animal le plus rapide du monde? It's the fastest animal in the world. It's the fastest animal in the world. Fastest, tout comme highest, longest, etc. On retrouve le même son, ust. Bon alors, of course, il existe quelques exceptions, quelques cas qui se comportent différemment. Mais encore une fois, ces exceptions concernent des mots tellement courants que vous les entendrez d'innombrables fois et les assimilerez sans même vous en rendre compte. Il se passe d'ailleurs exactement la même chose en français. On ne dit pas « plus bon », mais « meilleur » ou « mieux ». Ce sont des formes un peu spéciales. De la même manière qu'on ne dit pas « plus mauvais », mais « pire ». Mais ces formes font partie du vocabulaire de tous les jours. Et un étranger a tôt fait de les assimiler. Alors, prenons l'exemple de « bon », qui en anglais se dit « good ».« Good », oui. Mais si vous voulez dire « mieux » ou « meilleur », ça sera « better ». B-E-T-E-R. Alors, comment direz-vous « elle joue mieux au tennis que moi » ? Alors, vous pouvez dire ça en disant « elle est une meilleure joueuse de tennis que moi », c'est-à-dire « She's a better tennis player than me. » « She's a better tennis player than me », c'est ça. Et pour dire « elle est la meilleure joueuse du club », on va avoir besoin de « the best ». B-E-S-T, the best, le meilleur, la meilleure. Alors, comment traduirez-vous « elle est la meilleure joueuse du club », littéralement, dans le club? She's the best player in the club. She's the best player in the club. Alors, si un roman se dit « novel » en anglais, N-O-V-E-L, comment dira-t-on c'est le meilleur roman qu'il ait écrit, littéralement qu'il a écrit. C'est-à-dire qu'il vous faut employer la forme du passé avec to have suivi de written. W-R-I-T-E-N. It's the best novel he's written. It's the best novel he's written. Ou bien, it's the best novel that he has written. Alors, vous avez sans doute remarqué que novel est un faux ami, puisqu'il ne correspond pas à une nouvelle, mais bien à un roman. Une nouvelle, c'est justement a short novel, littéralement un roman court.